Psaume numéro 37. Seigneur, corrige-moi sans colère et reprends-moi sans violence. Tes flèches m'ont frappé, ta main s'est abattue sur moi. Rien n'est sain dans ma chair sous ta fureur, rien d'intact en mes os depuis ma faute. Oui, mes péchés me submergent, leur poids trop pesant m'écrase, mes plaies sont puanteur et pourriture. C'est là le prix de ma folie. Accablé, prostré, à bout de force, tout le jour j'avance dans le noir. La fièvre m'envahit jusque aux moelles, plus rien n'est sain dans ma chair. Brisé, écrasé, à bout de force, mon cœur gronde et rugit. Seigneur, tout mon désir est devant toi, et rien de ma plainte ne t'échappe. Le cœur me bat, ma force m'abandonne, et même la lumière de mes yeux. Amis et compagnons se tiennent à distance, et mes proches à l'écart de mon mal. Ceux qui veulent ma perte me talonnent, ces gens qui cherchent mon malheur. Ils prononcent des paroles maléfiques, tout le jour ils ruminent leur traîtrise. Moi, comme un sourd, je n'entends rien. Comme un muet, je n'ouvre pas la bouche. Pareil à celui qui n'entend pas, qui n'a pas de réplique à la bouche. C'est toi que j'espère, Seigneur. Seigneur mon Dieu, toi, tu répondras. J'ai dit qu'il ne triomphe pas à ceux qui rient de moi quand je trébuche. Et maintenant je suis près de tomber. Ma douleur est toujours devant moi. Oui, j'avoue mon péché, je m'effraie de ma faute. Mes ennemis sont forts et vigoureux. Ils sont nombreux à m'en vouloir injustement. Ils me rendent le mal pour le bien. Quand je cherche le bien, ils m'accusent. Ne m'abandonne jamais, Seigneur, mon Dieu. Ne sois pas loin de moi. Viens vite à mon aide, Seigneur, mon salut.